Chapitre 11e, fin de martyr. Quelques jours après, continua Marthe, j'étais entré au café du Rat Mort, place Pigalle. C'est un endroit où m'avait mené à plusieurs reprises Mélanie et on faisait de bonnes rencontres. Un jeune homme élégamment vêtu vint s'asseoir près de moi et me proposa de prendre quelque chose avec lui. J'acceptai. C'était dans mon rôle. Il me demanda si je me plaisais à Paris. Je lui répondis que non, et qu'au contraire, je voudrais bien en être pour toujours éloigné. Il me dit alors qu'il était le baron Reval, qu'il appartenait à une des meilleures familles de Belgique, qu'il était venu passer quelques jours à Paris, mais qu'il allait s'en retourner et que, si je le voulais, il serait heureux de m'emmener avec lui. Dans ma position, l'offre était tentante. Pourtant, je ne crus pas devoir accepter ainsi du premier coup. Je lui dis que j'avais une famille, qu'il me coûterait de la quitter, que je ne partirais pas sans son consentement. « Eh bien, me dit-il, voyez vos parents. S'ils veulent bien vous confier à moi, je ne serai pas regardant pour les indemniser du chagrin que leur ferait votre départ. Voulez-vous vous retrouver ici, demain soir? J'attendrai votre réponse avec impatience. » Ma décision était déjà prise. Ce jeune homme avait l'air honnête, sincère, loyal. Tout d'ailleurs, plutôt que de continuer à vivre comme je le faisais. Et puis, en Belgique, j'échappais à la tyrannie de mes parents. Si la vie que m'offrait M. Reval ne me plaisait pas, je pourrais trouver du travail, gagner mon pain honnêtement. Cependant, je ne voulus pas avoir l'air de me jeter à son cou. Je lui dis « Ma famille ne consentirait pas, même à haut prix, à me laisser partir ainsi. Si je vais avec vous, il faudra que je m'enfuie sans lui rien dire. »« Eh bien, » me répondit-il, « peu importe. Venez demain soir. Vous n'avez besoin d'aucun bagage. Une fois à Bruxelles, où nous irons d'abord, nous achèterons tout ce qu'il vous faudra. » Je le quittai. Je rentrai à la maison où j'eus à subir une scène terrible parce que je n'apportais pas assez d'argent. Je promis d'être plus heureuse pour le lendemain. Et le lendemain soir, je retrouvai le jeune homme avec lequel je partais pour Bruxelles. Les premiers jours furent charmants. Mon amoureux satisfaisait à toutes mes fantaisies. Mais bientôt, il devint moins empressé et m'avoua qu'il n'était ni baron ni riche. Mais il ajouta qu'il avait les moyens de vivre aisément et qu'il allait me présenter à des amis qui m'accueilleraient bien et seraient pour moi une famille affectueuse. Ses amis, c'étaient Grazer et sa femme, les deux bandits que vous connaissez. J'allais demeurer chez eux avec Reval. On me traitait comme l'enfant de la maison. Cela dura quelque temps encore, puis Grazer annonça qu'on allait partir pour la France. Comme je marquais quelque épouvante, il me dit que je n'avais rien à redouter, qu'il allait s'installer dans un pays où mes parents ne viendraient pas me chercher et que pour plus de sécurité, je passerai pour sa fille et Reval pour son fils. C'est ainsi que nous arrivâmes à Rambouillet où il s'établit comme tailleur. Pour l'exécution de ses desseins criminels, il se prétendit paralytique, Reval pour myope et la femme pour boiteuse. De cette façon, si on les rencontrait dans les expéditions nocturnes qu'ils avaient l'intention d'entreprendre, on ne les reconnaîtrait pas. Quand je découvris la vérité, je voulus me révolter, me séparer d'eux. Mais il me menaçait de me tuer si je commettais la moindre indiscrétion. Terrifié, je me tus et je jouai mon rôle dans la sinistre comédie. Il a fallu votre apparition pour me faire sortir de cette servilité. C'est surtout quand je vous ai vu menacé que j'ai résolu de m'opposer à toute entreprise contre vous. Car je puis, je dois vous l'avouer, depuis que je vous ai vu, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur et s'il faut mourir pour vous sauver, je mourrai avec joie. Chère Marthe, murmura le jeune homme ému. « Maintenant, dit Marthe, c'est fini. J'ai rompu avec eux. Pour vous décider à partir hier soir, je vous ai promis de venir vous trouver aujourd'hui. J'ai faim d'aller à mon travail. Je me suis évadé. Que vont-ils dire? Que vont-ils faire? Quand ils s'apercevront de ma fuite? Je ne sais. Mais peu importe, puisque vous êtes averti et que vous pouvez vous mettre sur vos gardes. Ce qui va arriver, répondit Berton, c'est bien simple. Maintenant que je sais que ces gens ne sont point vos parents, je n'ai aucune hésitation, aucun scrupule à garder. Je vais vous conduire à la préfecture, je vous présenterai à mon chef et on télégraphiera de suite au parquet de Rambouillet pour faire arrêter ces misérables. « Eh ! » demanda timidement Marthe, « vous ne me méprisez pas trop ? Pauvre martyr de la destinée, je vous admire et je vous aime. » Il la serra dans ses bras et lui donna des baisers qu'elle lui rendit avec effusion. « Partons maintenant, » dit l'inspecteur en prenant son chapeau. Ils descendirent. Laissant Marthe sous le pas de la porte, il s'éloigna de quelques pas pour aller chercher une voiture. Un cri déchirant lui fit retourner la tête. Il vit la jeune femme s'affaisser. Elle avait le crâne brisé par un coup de massue ou de barre de fer. Le coup des assassins de Rambouillet. Au loin, un homme s'enfuyait et disparaissait dans l'ombre. Berthon prit Marthe dans ses bras et la porta à la pharmacie voisine. Mais tous ses soins étaient inutiles. Elle était morte. Grazor n'avait pas manqué son coup.